facili. Mesdames, Messieurs, il est 9h à Guettendar et à Djaminar, même heure à Pikin et à Sor. Vous êtes sur Walfa Djiri, bienvenue dans votre émission Questions aux éditeurs qui revient ce matin sur la situation à Saint-Louis où les enseignants ont boudé les classes ce jeudi et s'insurgeant contre le traitement humiliant et dégradant que leur réservent souvent ces derniers temps certains parents d'élèves de la langue de barbarie. Mais ces enseignants en ont donc le ras-le-bol, disent-ils, d'être bastonnés sur leur lieu de travail. Une situation donc qui commence à déborder à Saint-Louis, où les enseignants n'entendent plus donc reprendre les classes. Ils protestent contre cette situation dégradante pour des gens donc qui sont censés enseigner et éduquer les enfants. 88 628 99 99 11 pour réagir à ces situations qui n'est pas la première du côté de Saint-Louis, où on se rappelle donc qu'un élève avait récemment, il y a quelques mois donc, poignardé un enseignant. À 88 628 99 99 11 pour se prononcer sur la situation de l'école à Saint-Louis, notamment dans cette ville, donc cette vieille ville et dans cette région d'une manière générale. Kon mbokk yi tay ñu ngi waxtane lu waju ci nekkinu jangale kat ci ndar nga xamni itam ñen ci wajuru ndongo yi dañ leen di fekk ci classe ba di leen door. Lool nak tax jangale kat ci niki dembu ñu genn baye classe nak ni lool lañuy ñaawlu te ñu koy yegal itam kep ko xamanteni itam man nga ci dara ndax lu doy war la tay itam neenañu nek la lo xamanteni toroxal nit la ak itam ñakal ko worma ak itam lo xamanteni itam lu ñaaw la ci l'école nga xamanteni nit ko mo wara jangale way mo wara yar nga ñuy itam ci kanamu élève yi diko def yenn yi. Lool dal nek na lu leen metti lool ken xamagul nak la jangale kat ya def way itam liñu gis dal moy li wajur yi def te lool itam nek lo xamanteni bokul ci l'école bi. Ñu bëggoon xam yeen sen xalaat ci mbir mi te du gulet nak ci ndar ndax fatti bo ngeen fatiliko élève jam na fa maître am ka koy jangal nok ci nekkon ci lo xamanteni defa doon war itam bi jaaxal ñep. Lool nak lan moko waral ci gox bobu ñu nemeku ko li ci ëpp ci boru ndar ñak ñakul nak amna feneen waye bu ndar bi dal fess na fessay go xamantene nit ñang koy waxtane ñu bëggoon ci xam yeen seen xalaat ak seen jangat. Ñu déglu sax kenn ci jangale kat yoy mu ngi tuddu Cheikh Tidiane An mo yoron kaddu jangale kat yi dembu ci bañu ñaxtu mbir mom ngir metti li nga xamni amna ci benn école bi ñuy wax école Cheikh Touré bu nekk Gendar dafa am suñu benn bokk jangale kat bi nga xamni benn parent d'élève moko fekk ci bir classe am ñewal ko doole yenu door ci suuf door ko doore metti ci kanam ay élève am ñi nak li ëpp ëpp na te bu lolu jalle ci diwanu goxumbaaj aussi ñu gis ni dafa am ay wayjur yi nga xamni dañuy xey suba su ne dem sa école ya di fa sanni ay xeer ak ci saga ndey jangale kat yi fa ne na len genn len école bi ndax nangam ak nangam ñi lolu ëpp na li il faut ko ñu fajal ko suñu bop lañ koy mëna fajé moy ñu bank suñu yoxo tok xolaat mbir mi ba xam waxtaan ci suñu bir nak def sensibilisation ba ci war ci walu parent d'élève yi parce que dañuy wax ni jangale kat bi autorité la comme le chef de l'état autorité la comme inspecteur autorité la comme gouverneur te liñuy renforcer doley parent d'élève nan len école bi yéle ko mom ba tax parent d'élève bi légui luko sañ luko neex mu def ko ba yakar ni meuna dem sax ba affecter jangale kat ba yakar ni dox ci école ba bu ne waaw moy dox bu lol dañuy xamal parent d'élève ni école bi jangale kat yi momuñu ko nam parent d'élève bi momuñu ko élève bi momuñu ko autorité administrative wala académie momuñu ko ñepp ka bok milliards nga xamni parent d'élève wayjur ndongo yi nga xamni chaque jour ñuy genn xaaliss di jënd kay di jënd big di jënd ay yëre et cetera di ay milliards nga xamni kenn tuddu ko sax ñom ñukay investir ci xalé yi bo atul buñu sétané li ñu mettre en insécurité enseignant jangale kat nga xam dañ ko wara naw war ko fonk war ko sutural war ko jox gëdd gu nga jox li buñ ko continuer sétan ko danaka milliards yépp da fay dem ci ndox. Kon mbokk yi mbir ma ngogu yena ko degando muy lu yeme yo xamanteni tam metti na jangale kat yi lol te xamna du ñak sax metti ñen ci wajuru ndongo yi nga xamanteni tam bëgg nañ seen doomu jang seen doom jang ci yeen condition yi te itam nak lolu nga koy def ci kanamu xalé lu kemtane la xamoo la muy doon yi ëlëk jangale kat lay doon wala lan. 88 628 99 99 11 ngeen dugg indi seen xalaat. Allo, assalamu alaykum. allo koku amna jafé jafé touti ci ligne bi ñakul ci kanam touti muy ak suñu waxtan ak mom 88 628 99 99 111. Allo assalamu alaykum. Wa assalamu alaykum. Amadou Diallo wakam. Amadou Diallo wakam, bismillah. Waaw ñang lay ñu way seigne ñu lay ziar bu baax di len ziar jere jere. Wa xam nga lool mom vraiment état daf ci wara jël ay netoy parce que itam du yoon nga yobbu alors sa dom ci daara mu gi ko jangal di sol ci mom xam nga pare ngay dem di attaquer kay sol ci mom xam xam lool mom xel xel nang kon defena ne ah lolou war nañ jël sécurité ci école yoy di tam def lolou ak dekk yiñ koy defé état ci ay nakay mu fekk bon alors yone ko sécurité bu doy pour que ñu jangal xalé ci ak dal parce que itam du yoon ngay yobbu sa dom ne ñu yaral lako ba paré ngay ëlbeuti ko yow du yar ko ko diko yar kon kay xana bu la cyanké nga tiyé sa dom sa kër bo bañé alors ku ne vraiment quand tu te bob bu souffal ci kay sa dom nga tiyé ko sa kër da fay sakku ji xam xam bari ko mu sakku xam xam bu ko mënul nak ah état mom mo ci mëna jël ay natoyay nak fek pour ar ak ñuy jangalé encore bay ndog ñu jang. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. 88 628 99 99 111 yeen itam ngeen duggu indi seen xalaat ci mbir mi. Assalamu alaykum. Allo, koko amat na jafé jafé ba légui 88 628 99 99 111. Allo, assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Ngeen jël na ngeen ñu am kan fas bari bu ma nglay fay ci ngeen yaa du ñaan ñepp jamm. Amin. Aman dal li nga bëggoon wax suñu jàng la jàpp ne taxaw cheikh bi ñu sétal ñeen ci réew ci ñu jàng nga dañu dox suñu jëm baaxul. Premièrement moy recrutement yi ñi def professeur yi yeen condition lañ koy def ndax ci ñu am bi bolo wala ci jënd bi solo wala et cetera et cetera ndax gis naa ay maître yi nga xamni bu ñu bindé bay mel na xalé bi doko dal jàng am na ci ñoo xamni seen jikko ñuul éduqué xalé muy premier point bi nga xamni ñu di maître bu re ci xalé yi dañ ñu ni jël manam ñu jitu won ñu top gannaaw legi muy maître bi muy nday nak bayam legi xalé bi jitu muy conditionner bopam ñu ko neex lolu fan lay teggu nan la xalé bi di amé ak teggu moy waral bu ñu démé ba université ku goor ci dem di jaay ba ko jigen ci dem di jaay ba ay cetera et cetera bëgg na dal ñu sétat taxaw sét bi ndax man ñaari jangat rek la ci def moy dañu paré pour def askanu Sénégal quantité bo nga xamni dañuy dindi ci nasaran pa qualité bo nga xamni dañuy dindi ci nasaran bu mo koy tente ma ngoy tente ni paré len pour def len ay four musulman mais pas ay ño xamni borom xam xam lañ wara ibi ge seen bokk aduna ak alakhirah lool dal la ci jangat te wara ko taxaw seen lool la mënu ñu wota wala ñu wax dara dara barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Keneen ku ci am lu muy wax ñu koy xaar ci 88 628 99 99 111. Allo assalamu alaykum. Wa alaykum assalam sayyidina usman. Waaw monsieur Cissé. Waaw nayen fanane ñu ngi fi alhamdullilah. C'est émission débobé. Ah merci dal na ci. Merci beaucoup. En fait ki dam kan wax nako parce que je pense il faut faire l'analyse de la cause mais djog ji mom c'est condamnable parce que yow do defal sa bokk justice ça veut dire que Ousmane de Kibi amna crise d'autorité parce que la nga xamné nit tañ ko defal bokkom la ngay gis mu koy def parce que fajal sa bokk way way fajal sa bokk su soxla parce que je pense que même sou jangale kat di togné sa dom amna foy wara jaar ak mom dans ci ay kilifam ba nga am sa deug mais forfait bobu mom c'est condamnable té justice da ci wara jël condamné ko fermement bala mu yak jang parce que problème bi rek dañ ko dal il faut condamner ça dal lo xamné la kenn nanguko voilà ñu ngi lay gërëm di la sante kon wax jangogu jangale kat bala muy mënti def ñun buñ ko xamul itam amna fo mëna jaar be fajj ko te do ko fajal sa bop. Allo assalamu alaykum. Allo fayal radio ba bismillah. Allo waaw fayal radio bi ñu dem cheikh waaw fayal radio bi ñu dem cheikh. Allo da ngay fay radio bi Allo 88 628 99 99 111 keneen ku duggu indi xalaatam ci waxtaan bi. Allo assalamu alaykum. Waaw waaw señ bi waaw ah ku nekk dal sa sawari bopp nga am ci école da ñun école bi ñu am ci ndour ndour arrondissement commune Mbarakhoul xawma instructeur am na jenge no xawma amu mel neetu ñu duñu jangale wa na ñi dimbalé école bañ tijé ba légui sama doom yaa ngi ni tay fi may wax ni yow dam nañ ñoo né jangale wu jangu dama lañu dëkk ba école tijé ba légui té ñom école directeur ba nga dañ ñu jàngalé ñepp ñu fi am nay ak ñaar xam sax ci dañ jidoo yow dañ ñu jàngalé am nañ ñu ci dëmm la bari loolu yaa nga ñu mëna ñu arrivé ah école yi am nañ fu nekk jégué ñu té ñu ñu fi jàngalé duñ jàngalé loolu aussi dañ na war dé ci laal wax ndur ndur ko ñu ñu mara ko duñ jàngalé inspecteur nak mësu ma bu gis waye dañ ñu topro ci école bi parce que loolu tam ñu mëna ñu arrivé d'accord ci ndur ndur ma ko wax d'accord kon baxna ñaan amu fi ñu ngi lay gërëm def ñu ndaw lo xamne mu ngi wax ci radio lo xamne ñu koy def suñu doom waaw waaw lo xamne mo gu tay mënu mako wax te ñu koy def dara ñu daaw wote ñu koy def ñepp di gis parce que dégg la président comme ci bi ba ñu xalé sen doom yi jang wala sen doom yi jigen dañ jangul dañ du jang mais fi di ñew li nga ñu ñu def sen doom yi la wax sen doom yu goor wala sen doom yu jigen non manam bo demé état ci di fam liñ leen non def ci bobu ñom seen bob ñokoy bind wala ñu diko jaay aha ci cantine bi waaw d'accord waaw kon ñu ngi leen di gëreem di leen sante diko Allah ngat ñu ñoo topato inspecteur ñeen ko rafa da leen topato kon kilifa yang lay dégg ñu ngi lay gëreem di leen sante ñu ngi ziar wa mbadaxone ak ndundur ak ngokare 88 628 99 99 111 allo assalamu alaykum Allô. Waaw, allô. Ah, bismillah. Mané. Métari. Métari ci joko. Waaw. Kaddu ñu xalé yi. Para ay yi dañu am ci ñom yaakaar jox leen ko na tane wu ñu xalé yi. Métari am ñu dëgg ñu. Ñu leen neex lañu def. Métari yi taaga ay lay tay. Ci métari ya ko gi. Ñu def na fa métari yi taaga ay lay. Bëlo ba tayo xex di wax. D'accord. Voilà. Kon ñu ngi lay gërëm di la sante. 88 628 99 99 111 ngeen duggu yeen itam dal di seen xalaat. Allo, assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Waaw, Seigne Saliou na ngeen def? Seigne Hassane waay, sant ak wax. Jërëjëf. Waxana kay wajiri, wajiri jaa seen watukaay baax te xey. Nga xale moom yaakaar naa bu dee ba jaakaarloo ki nga jàngal. Da war am yar yar ak tegg gu mu sëkk jox ko bépp rek rek te waajur yi xam ne tam jàng ak dóor ñoo ànd sa doom suñ ko dóoree mun ta ñàkk ndax ko jàng il faut boo deful lu yoon il faut ngi dóor la waaye xale bi daa bëgg a jàng mel ni tubaab kenn di ko laal loolu mun ta ne ndax la ñett ñoo yar mooy daara ji ak école bi ak armée bi su demee ba école bi nar a yàqu na kon xoon fu réew mi jëm ndax ñi génn ci école bi ñoo ñu nar a nekk ay président nañ leen yaraat taxawoo leen Yalla Yalla defal jikko nak 88 628 99 99 111 waxtan bangogu feñalat lenen moy di jangale te yaro ndax itam di jangale di yar warna meuna nekkat ci école bi ñu gis tay allo assalamu alaykum wa alaykum salam ousmane sen waaw dirou fek c'est rayer ah madame sek bismillah na def ci tabarakallah ñu ne ñetti dal di fepp la ndax ñu suñu place ñu nekk ci la net bi merde merde la ville tiki bobu bokul ci école bi de tay créé ak table rek lañu waxtane ma wax ko han xaaral bañu ñew ci ferraille bi inshallah ñu lay gërëm di la sante ku nekk ak metti tam waye tay metti tu l'école bi lañu waxtane ku ci am xalaat nga indi ko wala bok safara bu mëna tax itam jàngalé kat yi ju bok parents d'élèves yi ak ñu jàngal 88 628 99 99 111 ngeen dal di duggu indi seen xalaat allo assalamu alaykum Allo 88 628 99 99 111 Allo assalamu alaikum Alaikum salam wa rahmatullah Waaw monsieur Sow Sankulo jamal Badon jam cel Ak na fi ni won Ah hande mom ala wuli welan Mo gassi quoi Dina jamono hanke weli Ah weli de Ah welti ma jarama Wa ngirin ko ni lay ni Ni len di ziar man mel adaba jeng fere ngay ndeke ndeke café touba bi nak dina koy nande waaw neena ko dal mu fexel ko indi ben nakaru rek d'accord ousmane xam nga ndar jamono ye bañ yeen ben phénomène bu fa xewon muy élève bu reuy netram amu def ko rek ko jamono waaw bu lo xewon nako kon woor na ni la koy xew ci yu mel ni dafa bari kon nag tey li Amadou Diallo waxoon sànq laaj na autorité yi ñu ci ay mesures yu wóor man ñu ma ciy joxe jàmm mooy directeur école yi wala sax ñu ne état parce que normalement école yu mel noonu dafa war a am gardien balaa parent élève bi mère këram da ci dugg ci ci école bi fek gardien bi dina ko laaj amna tay ku ñew ci wol fajr bu ngeen jëm ci Ousmane tay da nga ñu fek xaw mo defé gardien bi mu ngi tuddu ñom mi sokka ak ñom Babacar donc yoyu lañu wara lañu dañ comme ko mel na non mi ci semaine ni mel na ñu yaa te bobu até bobu dawon na ba para délé de élève bi da fankone won nañ élève bi après société civile ak ñi wax ci akku xalé yele ko xalé ñu ñaan pour ñu jéggal xalé bi pour ñu mëna ko né jangam ñu fatiri yagul nonu kay kon bala ñu fay yegg nañu taxaw jatandiko lo rek lo salam jërëjëf wa salam jërëjëf monsieur sow 88 628 99 99 ngeen duggé ni tam indi seen xalaat assalamu alaykum allo wa wa monsieur sen wa ni leen di gërëm bu baaxa baax jërëjë waaw parce que vraiment école sénégalaise dañ ci wara waxaat waaw dañ ci wara waxaat bu baax dit nga man damay am impression que amul directeur ci école wala directrice wala nga am impression ne amul idem pièce inspecteur départemental yi wala nga yaakaar ne amul sax iya parce que école bobu ñu dooré maître bobu su fekkoon ne am na gardien comme ni ko ndaw ci waxe tout à l'heure bala amul dugg kon dañ maîtriser koku wala bu commencer bala muy laal maître bi dañ ko corriger dinañ ko maîtriser ma ngi saluer aussi collectif enseignant yi lolu ñu def jappale seen morom parce que nit bo nekké ak mom té am lo xamanteni laal nako té bu paré yow la ci yow nga jël ci nga gatanu ko mo gën mo gënon tay ji corps enseignant bi mu am ño xamanteni dañ ci monter sa parenté ni wala élève wala dag na mi message ba lerna kenen ku ci am lo ci yok ñu xaar la ci 88 628 99 99 sans une tam nga dugg indi sa xalaat ci jafé jafé yoy feñ ci école bi rawat nak digënté wajuru ndongo ak jangale kat yi fofa ci ndar ñu dem be wajuru ndongo mëna ñew nak door maître ci bir classam lolu nek lu yéme lo xamné nak bo xamul sax la jangale kat ba def bëm bu togné sa dom amna fo mëna jaar be yoon tek ko loxo corriger la ko ndax waro fajal sa bop lolu dal doon lo xamanteni lu yéme la té ñaar ñu wara déggo nak buñu xexé war nañ ci wax bi xam naka lañu def bi mbir mi gëna ratax alo assalamu alaykum alaykum assalam señu son waaw lay ziar ñu delo ziar naka liggéey bi ñu ci kaw alhamdullilah merci ñu ngi dëng na raal liggéey bi rek man la xadim ko waaw ñu ngi raal liggéey bi alfadru baax baax ñu ngi fi la ñu baax baax baax dina ko dégg bu soba yalla ni wa Sénégal yépp ñeen ñaar jam assalam jam ji ñu nekk yalla gëna yokk jam ji baax baax baax amin ñun ñepp ñu jot ci jërëjëf ñu ngi délo jar baax seen xadim jërëjëf merci merci 88 628 99 99 111 itam ngeen dugg daldi indi seen xalaat ci bés bi ñu leen di gërëm di rafet seen xalaat ci li jotaje ba léegi allo assalamu alaykum assalamu alaykum wa alaykum assalam Ousmane Seyd waaw Ousmane Ngom ak Jaxawati bi Ousmane Ngom ak Jaxawati ni nama fogo Jaxawati waaw alhamdulillah baraka nanu ngeen cialel ñu ñëkkal ñu ñëjël bon mi tamit ci auto da ngeen defum tax ne presque ka fena la nek ali ga xam voilà ci da tok na fi ni be ay xalé ñew di tan ay xet ci ñu kala légui ma intervenir def ben xalé bu yobbu ko ci bir kala bi avant tout mon mané ko na ak xalé dañ ko defat mu na dédé na bar ko ñu ñëna ko ñaari kala ko bayiko mu def ka tan tek ci ma xam nga li ma sëgë man dama ko ne man bon ni may yare ci may xalé ci kërga mom lay yare fay xalé yi dama japp ne bo fi nekkul comme yow do ñu nekk ak ñu ma fi xalé yi nekk da fa la yow ñu lay yaralal ci doon ko yow do fekk mais nak vraiment affaire bi doy na wa lol parents yi bon comme par exemple parents ba leen ba daxul lu mu intervenir legi ñu ñom dañoo gis ne rek parce que amna ay bëru bi galé ci suñu biir dafa ñaaka ni ñepp ñu ngi lañu ñaan manam dalo ko amna ay jangal kat yo xamanteni vraiment am ñu ñu leen def dal voilà très bien mais à tout moment bon ci all bi mom surtout vraiment parents yi day def lol ñu jël en tout cas encore ci garage xam nga nak lu waral lo d'accord mais nak jangal kat ñu ñoy wara am la xay da seen ba li mom dafa ron ci nek lo xamanteni ñu ñepp dañuy bolo xew ko Je suis un peu plus de temps. otaji ma koy xel ci kawé gi diko wone ah kawé gi man na fa jëbëré dé néna ko kafé adama bi bokku la fi yeneen ni dé duñ ko kafé bokku la gi kawé gi kawé gi saay kenn diko kafé il moko ñewon dé bu so yalla do ko bayyi merci bien man nak rafet na mission ba mais limu dëkkëré no sama gis nga cantine scolaire bi bété ki bari bari dañ ko jaat bu ko tejé limu ci gëna remarqué dal mom amna ci ci metti bari bari yo xamanteni su école tejé olé ko ñu dënd ko jël dënd ko parandel mais dañ koy tejé école bu école ubé bu ñu xamé né sax buñ ko commencé joxé digënté bi ak bi ñu ñëwaaté dina ci mat dé duñ ko téé mais dañ koy jël diko jaay digënté ci ñu xaré ñoo ci bi dëkk bi té ñoo ñu mëna xam dara do dal ma ngi ci interpréter étape mu gën té défar ay jëgola d'accord ñu lay gërëm di la sante adama jëm ta Touba di ziaré walu Touba yépp ak ñi ñu téwlu ci waxtu bi allo assalamu alaykum assalamu alaykum wa mané limay wax ci limay wax ci jangale manam xam nga su fekké ben ba election am da xamné ben ba nga xamné manam du manki rek wala jëm bay wax man tay jangale wax ni jëb xamné lo war nañu xolaat ni jang jang Sénégal tax tax da nga tamit aussi parents ak lañ mëna def sa doom allo wa ma ngi lay dégg wax wala yëkëti ka dugg wax wa mané parents ak aussi lim mëna def sa doom bu ñu andino wala réalité waye fekk am maître bi jangale té ko ci ap classe am yoxé ci yalla yu dékku jëru da nga xat kenn may ñaar ñi nga xamni moy jang ñu amat ci ci sen ak fay da wurna yalla dem na ci classe han fék ci ben jang ci ap ordinateur la tek da na kuma ñu na xéx wala kuma ñu na xéx la wax am ben maam am yam na ci ben élève bo xamni da am lu ko bëgg mu ñu ko jël xamné maam souvent tamit da nga kenn dañu ma stressé mu yobbu ci classe yépp ci dem taxal na ci ci dem ñu ko jël na ko ci yalla loolu ñu ma lo wax moy amna ci li amna ci li ni la def ni la waye tamit sanay mo wonna ni dela tax ci do ndax xolat li ñuy def jere mu ñak waw merci monsieur ndour jere jeuf 88 628 99 99 100 yeen itam ngeen duggu indi sen xalat ci waxtan bi assalamu alaykum waw ni delo ziar merci waw manam mo la ngi ñu ngi ñu wala ñangul waw sama xalaat ni allo kaddu gi mo xawa wacc tuuti de wa may li sama xalaat da lay gisu manam li nga xamne ku te dug mom la dina ci jangale ak ko sap xam xam allo wa ñu lay deggu bax dafa am leneen lay degg lo xana da waxon ni sap xam xam bu koy def bon do nga ñu ñu tu grandé ko ko xamne mu ñu do am xam xam ñu di wa lolo ñu sap xam da nga ñu tu grandé ci mu ñu d'accord joko banexul lol nak xamna radio mom deg deg rek mo ci gënam solo mais dess nañu deg bu baax allo assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah alhaji usmane bakki waaw alhaji boy jaw ba don way jëm ni way jam tan ah yaangi jam tan ni de way yoy rek ben yoy rek la ko xam man bu galila non lenga meuna jam gaynde comme yaangi jam tan ray wa gaynde sama na ko jam bismillah way mang lay nuju alhaji usman dina ziaré ci aljumu ñu ngi deugal ba wa jerejeef ñu ci technicien di balu askan senegal tay ma ñepp merci usman ci nguru bukki bu dame wax mbana ci doxine wal enseignants yi buñu déwé ba ay parents d'élèves di len fekk ci seen salle di len jagg di ruu ci suuf te dina foot ñam ñoo defuk na len war jàngale tuñ xalé yi ndax laajum xaji wacci seen bopp japp xalé yi di len def comme ay morom di loko ñom di faranto ak ñom di tabante ak ñom ba xalé yi yam len parents d'élèves yi yaxeen yeey rek mu nekk parents d'élèves motax moindre occasion rek di defu ni seen kaw waye parents d'élèves aussi il faut ñu xamné aussi kenn du fa jël sa bopp du deug du yoon aussi nga fekk ci ab classe du fekk ko enseignant bu jàng la nga jàng ru ci lolu ku ko ñaawlu ma xamne do nit c'est pas du tout normal ñomit parents dene yu beuri dañ daw sen responsabilité yeru tu xali tegatul len ci yoon legi ñom ñi décliné won sen responsabilité école bi mo leen waro na sobe tek len ci yoon élève bi di len tek len ci yoon ngay fekk enseignant bi ci bi classe ko do lolu ñaawla il faut xalé ñu len di yar Ousmane Diar nga ci école Diar na fi ay temps 2022 ba bu dun tok suñu kër lu nek dang ka dan def nañu fo ñu bay ñu yar xari ñom nangatul yar seen doomi xalé yi ñuy bay ñi taxawalu sol sol bu gap sol ay pew ay mini yorté ni portable nek ci nekatuñ ci classe mais bu tagante ak sen enseignant ba fula fay la il faut ñu corriger ko yar il faut ab yar di ci and enseignant yi ñi duma xalé mais buñ leen gañ il faut autorité aussi bi jox ci sa lolu ci soxna crise d'autorité la nek ak crise dabal ci sa ousmane rew mi ni muy doxé ah man dal la waxon dama na ci akolu sama dama dafa ne motax waye bu nit ñi télu la jog ñi walu rew bi dama sam dama am jafé jafé mën na kem taal mën na akolu sama be tax ko mënu dene nak waye li mom dira mom bu jëme ci nak ba mom bu fa amé ka du baaw du baax amin waye li wëttu wor dal xalé mom il faut ñu tek leen ci yoon ku bëgg jar ñoo sa doom xam xam aljana xaaliss no fly may wax man baye ñu def xalé jangale té enseignant aussi di jangale té yalla bax fay seen fonte yu nekk ñoomi dimbali parents délé bi parents délé ñu ci bari amu ay moy yobu seen doomi ci privé comme ñu nekk ci public yi nañ dimbali soor ñu am doole dimbali leen ñoomi dañu am yaakar ci seen doom il faut ñu taxaw xalé yi 89 99 111 waxtu bi nak mo ñuy wajja da xamna ku ñew ba moytu lay nek dernier auditeur allo assalamu alaykum 88 628 99 99 111 bu ngeen duggé ñu waxtaan ci aju ci l'école bi ak la xew ci ndar parent d'élève fekk fa metteur door ko ci classe am allo assalamu alaykum wa alaykum assalam salut man waaw koku tukulor waaw kay mom la ma ngi yar bu baax delo yar bu baax ñu ndé li ñu wax xana comme tout en comme dans dama yalla yalla defal di ko ñu mo la ngay xam ne ki développeur bobu ni rek moy li feew parce que dafa sa wolof du question comme en parlant de la vie mais dafa partager wali da ngay dit say jangale kat bo xamne ñu ci amul mo ñu carrément bakk day xarma ñu ñu xari ta tax ñu dugg ci ñen ñu ko neex taxawé ñu ko neex di waxé ñu ko neex di waxal ay xalé bay sa ba tay élève yow comportement yow ci gérer nit ci ko xamne dang ko jang fakhone ëlëk dafa wara dang ko wara dëngal pour mu mëna doon dara yow ñu mel mi la tan bo xamne tay woné wu tal tal bu baax ko xamne ko jëlé pour jangalé ñu nek ci bëlu bu tutal amu man parents yi am ñi daf ñu di ñak ci bindu autorité ni ñu pandé ko dara mu soti ñu ne day dem bo ñu dañu opposé jëna ay xalé sen bop dëgg ñu ci kër da xalé bi yamul parce que ñu dañu def ci parti ak xalé yi ñu dara ci do won jangal ci ñu ñu waron ñal dara bi ci ñu bëgg ñu ko am ñet mu tuwa yi tax ñen ñu ci ko bu doxé ñax ci wala ñu wax ko autorité ci ko ak leen até du am ko ko até finalement dëkk bi tay ñu jigi faga ci bop sama ñu ci jëgël nak autorité ñu ko autorité ñu ñëw centre responsable da ñu defal bu ci amin jërëjëf 88 628 99 99 111 waxtu ba ñu dab ko dugg nak dañu auditeur jax bu féké keneen ñëwaatu la ñu gëreem bu baax ni fi participer yepp rafetlu seni xalaat am solo lol ci liñ doon waxtane tay nek ci digënté parents d'élèves ak jàngalé kat ndax la xaw ci ndar nak ci lañ sukkandiku tay allo assalamu alaykum salam alaykum sidna ousmane man ma la wote won sax sama réseau day coupé sama waaw d'accord bismillah wa dama ne collectif jàngalé kat yoy man dama bëgg ñu dem ci jusqu'au bout comme amu ñu directeur bu am fulu ba mëna prévenir lol ñom ñi nga xamne ñoo nek ci bir classe ñu dem tek bien dit milier nañ ci dem jusqu'au bout ki ñu door ci le fo na porte plainte dem police parents d'élèves bobu ñu yar ko parce que lolu jaadul tegu ko kenn lolu li ñu def mom tegu wul la tegu wul d'accord wa légui nak comme directeur de mënga fa IS ba milifi identité ki IA bi milifi té ñom ñepp waxu ñu collectif bi ay syndicaliste yi nañu jox taxaw ci li wax mu arrêté parce que ki ci demone ci fay li aussi c'est la même chose ñu fekk ci di saga ay jangale kat fekk ci di door bu bañ ñoyé lan lañuy def jangale kat yi d'accord bu amé ñu jangale kat yi responsable té amna ay jangale kat yu responsable xaaliss bi ñuy laaj jangale kat bi nekk ci classe directement mokoy laaj directeur ba koy laaj bu ñuy plaindre dañ dem laaj directeur yi wala directrice ñom ñoy laaj xaaliss jang élève yi d'accord jangale kat bi souvent mom xamu personne xaliss bi jaar parce que mom crème la am tableau ak ay élèves su paré dem yonam